avec des références auxquelles ils peuvent s'identifier. En cinquième lieu, je désire remettre à jour ce qui est actuel vis-à-vis mes propres recherches. Plusieurs ont fait des listes de podcasts et d'autres productions du genre par le passé, mais peu de ces listes ont été mises à jour récemment, et certaines références donc n'existent tout simplement plus, ou d'autres dignes d'intérêt sont nées depuis. En sixième lieu, en vous faisant part de ce que je connais, vous saurez ce qui me manque. Soit dit en passant, actuellement, je n'ai que des podcasts au sens classique du terme. Je n'ai trouvé aucune référence pour des productions du type saga, audio-drama, etc. Sauf exception, les éditions de l'avenir présente, dont le podcast que vous écoutez présentement, est le fruit. J'essaierai donc de tirer tout cela au clair pour vous. Alors, pour vous simplifier la tâche, je ferai une liste tout d'un bloc, pas encore terminée, mais je vais la terminer dans les prochains jours, de tous les podcasts que moi j'ai trouvés qui étaient encore fonctionnels et qui sont mis à jour régulièrement. Dès que j'aurai terminé la compilation, je la soumettrai à Christian Martin et il pourra la mettre dans les show notes. Alors, je vais vous en présenter 4 qui sont dignes de mention et que je connais. Le Québec en balado-diffusion. Réalisé par Sylvain Grandmaison. Sylvain a commencé à écouter du podcasting dès les débuts, il y a très longtemps, en 2004, et a commencé sa propre production en 2006. Son podcast commence assez souvent par le carburant de la semaine, donc une dégustation de la bière en direct. On assiste donc au décapsulage de la bière, il la coule dans un verre, et ensuite, on commence le podcast avec lui. Il a divers sujets, il est plus ou moins régulier, il trouve toujours un excellent sujet et il nous en parle pendant quelques minutes. C'est très bien fait. Pourquoi j'ai décidé de parler de Sylvain Grandmaison? Principalement parce que j'adore son timbre de voix, son débit vocal. C'est vraiment très bien fait. C'est vraiment lui qui m'a donné le goût de participer par moi-même. Bien sûr, je me suis beaucoup amusé avec le Walter Weekly Show, mais c'est pas mal Sylvain qui m'a donné vraiment un goût de faire autre chose que juste rire et de vraiment parler. Le genre de questions auxquelles Sylvain se pose et nous invite à nous questionner, c'est un peu comme quel est le premier podcast que vous écoutez lorsque vous mettez à jour votre liste dans iTunes ou votre podcast préféré. Il peut nous parler de l'obsolescence technologique. Il peut faire le déballage d'un produit qu'il a reçu. Il va nous en parler, comment il trouve. Bref, il y a toutes sortes de sujets. Je l'adore. Je vous en fais écouter un petit bout. Oui, vous l'attendez tous. Encore une fois, oui. Le carburant de la semaine. Et je pense même que c'est une bière que j'ai déjà bu dans vos oreilles auparavant. J'en ai déjà bu, ça c'est sûr. C'est une bière que j'apprécie quand même pas mal. C'est des bouchons pas en 100% liège, c'est du liège collé, c'est du composite. Mais attendez un petit peu. Je sais pas si vous l'avez bien entendu. Oui, ça a popé. Et quand ça pop, il y a toujours, un peu de gaz qui s'échappe et toutes sortes d'odeurs aussi. Qu'il y a dans cette bière-là, je vais la verser. Vous risquez d'apprendre beaucoup plus dans une ou deux sessions de PAB que dans une fin de semaine de PodCamp, honnêtement. Personnellement, c'est ce qui m'arrive, mais en tout cas, je vous dis, vous aussi, ça risque de vous arriver. Le stream avec Yann Thériault. Attention, ici, ce n'est pas pour les oreilles chastes. Yann est très cru. Il parle de toutes sortes de sujets, qui va des nouvelles, de ce qui l'intéresse. Généralement, il va se trouver un collaborateur avec qui travailler, qu'il s'agisse de Marc Boilard, Dan Delorme, HM Seb, Rallant. Il y en a plusieurs, McMatand. Le stream est réalisé live, en vidéo et en audio. Yann Thériault a une application et sur Twitter, il va le mentionner, il va dire « Je vais commencer mon show dans une demi-heure. » Et à ce moment-là, il se lâche lousse. Je vous fais écouter de quoi ça peut avoir de l'air. Les émissions de cuisine? Non, non, mais des gars qui font la cuisine. Moi, je fais pas la cuisine. Je suis pas... Tu sais, des gars qui ont des talents de filles, mais tu sais, qui ont de l'air des gars, tu sais. Ouais, les filles, je te dirais que je suis pas mal plus fille que gars, mais... Les filles sont très attirées vers les deux opposés, là, tu sais, là. Ils veulent un gars qui s'habille en cuir, puis un homme avec des tatous partout, dans le cou, sur le coude, mais faut qu'il fasse la cuisine, puis qu'il coupe des oignons, puis qu'il fasse de la... Moi, je suis pas ça. Ah, puis faut qu'il l'écoute aussi quand elle veut parler, tu sais. Donc, le stream, c'est vraiment à écouter. Il n'y a pas un épisode qui est pareil. Ça peut être très différent, très actif du côté de la balado-diffusion. C'est un personnage vraiment à découvrir. Le troisième dont je veux vous parler aujourd'hui, Trois Bières. En compagnie de Yannick, cartoniste robuste, qui vient d'Abitibi, Pierre-Luc, qui parle beaucoup trop vite, et généralement Gabriel Caron, originaire de Brossard, gradué de l'École nationale de l'humour, ou un autre invité. Trois Bières est une balado-diffusion dans laquelle ils reçoivent des sujets à partir de Facebook, Twitter, Google, à peu près par n'importe quel moyen que vous êtes capable. Ils mettent tous les sujets qu'ils reçoivent dans un sac, ils brossent le sac, ils en pigent un, et ils en discutent le temps d'une bière. Ils font ce processus trois fois, et c'est ce qui s'appelle Trois Bières. C'est super simple à écouter. Ils sont très comiques, pas gênés, c'est généralement aucunement vulgaire. Si jamais il y a des expressions un petit peu vulgaires, le tag explicite est alors ajouté sur iTunes. Très allumé. Genre de questions qui peuvent prendre. Êtes-vous pour ou contre une dictature planétaire ayant pour but de changer les habitudes de vie des humains afin de préserver la planète? Ils peuvent avoir comme sujet les gens qui changent toujours d'avis à la dernière seconde. Ils peuvent avoir aussi... Si vous aviez à choisir un seul pouvoir de super-héros, lequel choisiriez-vous? De quoi relève votre costume? Donc, ils prennent après n'importe quoi comme question et ils en discutent. Je vous donne une petite idée de quoi ça peut avoir l'air. J'ai eu ce chicken. Mais j'ai rêvé cette nuit... qu'on avait des auditeurs weird qui venaient cogner chez nous, là. Hein? Eh bien, moi, c'était peut-être prémonitoire. C'était prémonitoire. Pierre-Luc vient d'en faire une prémonition. Tu sais, quand il y a des affaires de voyage dans le temps, c'est comme, faut qu'on empêche que ça arrive, mais tous les événements mènent à cette conclusion-là, là. Pierre-Luc vient de faire ça. Tu viens de me mettre dans un loop de prédestination. Et voilà, quand il y a tous les freaks. Ah, maudit. Mon dernier pour la chronique aujourd'hui, l'épée légendaire Balado. Il nous parle donc de jeux vidéo, de technologie, de geekitude, en compagnie de Maxime Tremblay, d'Anthony Gravel, Sébastien Roy, Nicolas Verge et Jonathan Lessard. Hey, pour vos oreilles, une petite idée de l'audio. Quand ça fait quelques années qu'on n'a pas joué à un jeu et qu'il en sort un nouveau, on a vraiment hâte d'y jouer et je pense que généralement le jeu est mieux travaillé. Donc, il y a des arguments intéressants dans les deux camps. Du côté de ceux qui disent « oui, on veut un jeu à tous les ans », ben c'est un peu comme le modèle d'une série télévisée. C'est vrai. On s'ennuierait un peu si notre série préférée, mettons Game of Thrones par exemple, partait pendant 2 ou 3 ans avant de revenir. Ça serait un peu plate. Alors pour aujourd'hui, j'arrête là. Je vais vous en soumettre d'autres le mois prochain. D'ici là, je m'arrange pour avoir une liste que moi j'ai trouvée. Rejoignez-moi. jshamel99@gmail.com. À vous, les studios. Merci Jean-Seb. Des livres à lire et à entendre est une association qui a pour objet de faciliter l'accès de tous, et en particulier des non-voyants et malvoyants, aux joies de la littérature. Son principal outil d'action est son site internet qui a 2 fonctions. 1. Fédérer une communauté d'internautes bénévoles qui enregistrent leurs propres lectures afin de constituer un vaste catalogue de livres audio gratuits. 2. Recenser tous les autres livres audio disponibles gratuitement sur internet. Si ce projet vous intéresse, rendez-vous sur www.literatureaudio.com. Et maintenant,

et les médecins pensaient pouvoir le maintenir en vie et le guérir. Colonel! L'Étrusien se retourna. Un sergent des forces d'intervention se tenait au garde-vous, impeccablement sanglé dans une combinaison de combat bleu nuit. Un fusil radiant pendait en sautoir autour de son cou et son casque était fixé sur le haut de son épaule gauche. Oui, sergent? Le pacha, je veux dire, le major Jurgensen voudrait savoir si vous désirez prendre la tête des opérations de ratissage de Biosch. Je ne vais pas enlever son commandement à votre chef, mais par contre, je vais le rejoindre pour superviser le nettoyage de ce trou à rats. J'ai un compte particulier à régler avec Lou Garn et toute sa bande de vilains cocos, et je tiens à m'assurer moi-même qu'ils n'échapperont pas à la justice. D'autre part, il est possible, sinon probable, que Larry Tilco soit sur cette planète, et j'aimerais bien offrir sa tête au Lord Amiral Atlan. Il se tourna vers Carlo Dobar. Carlo, je te charge avec Rick de rassembler tout ce joli monde. Dès que je serai sur le vaisseau amiral, je t'enverrai deux corvettes pour embarquer tous ces malheureux. Ils seront soignés et je veillerai personnellement à ce qu'ils puissent être rapatriés chez eux, du moins pour ceux qui le désirent. L'Oxtorni approuva de sa tête massive et commença aussitôt à s'occuper de la tâche qui venait de lui être confiée, tandis que le colonel de l'OMU emboîtait le pas au jeune sous-officier et à son escorte. Chapitre 7, première partie. C'est avec beaucoup d'étonnement que Mazas vit arriver son frère Rick, accompagné d'Arx, qu'il croyait toujours en train de mener une guérilla se coriolant d'eux. De sa voix chointante, il expliqua à la jeune femme: Arx a expédié deux chantiers rejoindre son frère Shendorf dans les plaines de la mort. Mais la guerre de l'Arlon et de Vorglan n'était pas la sienne. Alors il a accepté la proposition du petit être velu d'intégrer les rangs des combattants mercenaires. Je suis vraiment très heureuse de te revoir et d'apprendre des nouvelles de l'Arlon et de son cousin. Je craignais beaucoup qu'il vous soit arrivé malheur. L'octopode fit cligner sa couronne d'yeux, ce qui exprimait son amusement, mais il n'ajouta rien, reculant de quelques pas afin de laisser le frère et la sœur en tête à tête. Mazas et Rick Pavel se retrouvèrent avec un bonheur extrême. Joie d'autant plus grande qu'ils avaient craint de ne jamais se revoir. Tous deux se contèrent brièvement leurs péripéties depuis leur séparation, sans s'attarder sur les pires moments. Le mulot castor, assis sur sa queue plate, les bras croisés sur sa petite bedaine replète, contemplait leur retrouvaille avec attendrissement. Il fut tiré de sa rêverie sentimentale par une interrogation de la jeune femme. Quand est-ce qu'on se met à la recherche de Larry Tilco? Je pensais que tu voudrais d'abord mettre la main sur le dénommé Lou Garn. Melbar s'en occupe, et il a un compte encore plus important que le mien à régler avec lui. Je le connais suffisamment pour savoir qu'il n'est pas prêt de digérer la punition que les pirates lui ont infligée, en profitant du fait qu'il était entravé. Je peux te dire qu'ils y sont allés de bon cœur. Aussi, s'il lui tombe sous la main, cela va être leur fête. Avec les battoirs qu'il a, il n'en restera rien, prophétisa Lilt. Une heure plus tard, des petits groupes d'hommes armés, encadrés par des robots de combat, s'étaient éparpillés à la surface de la planète. Chacun de ces pelotons, en plus d'un matériel sophistiqué de recherche, était équipé d'un radium psy afin d'interroger les prisonniers qu'il n'allait pas manquer de faire. C'est ainsi que les troupes de l'OMU espéraient apprendre où se cachait l'insaisissable chef des pirates. Juchés sur une plateforme antigrave de même que l'émir et Arx, les deux mercenaires participaient à l'opération en compagnie de la section commandée par un vieux sergent de carrière, Johannes Turkman. Un poste émetteur-récepteur centralisait les communications des différents groupes d'intervention et un cerveau P portatif se chargeait d'en effectuer le tri, ne signalant que des faits remarquables. Un sifflement syncopé alerta les occupants, tandis qu'une bombe plastique apparaissait dans la boîte de réception. Le sous-officier s'en empara y jeta un coup d'œil et, sans un mot, l'attendit au mulot castor. Celui-ci la lut avant de la fourrer dans une poche de sa combinaison. Rick ne put contenir sa curiosité. Alors? Nos hommes vont arrêter un pirate qui semble être un des lieutenants de la Ritilco. Ils sont en train de l'interroger et nous préviendront s'ils apprennent quelque chose le concernant. Dans l'attente de renseignements complémentaires, l'émir indiqua au pilote la direction de l'île où sévissaient les amateurs de chasse à l'homme. « On va voir si on trouve ton petit allié », expliqua-t-il à Mazas. Il s'installa confortablement dans son fauteuil, ferma les yeux et porta les mains à ses tempes. « Je perçois des pensées confuses. En fait, plus des sensations que des pensées. »« Il y a donc des êtres intelligents dans cette mangrove ?»« Intelligent n'est sans doute pas le terme approprié. » Mais il existe effectivement une forme d'intelligence, encore bien primitive. Par exemple, je recueille des sentiments de satisfaction suite à un repas de racines. Un sentiment de peur vis-à-vis d'une espèce de félin. Je détecte de la colère, de l'incompréhension, mais pas de pensée bien définie. Alors, c'est fichu pour retrouver celui qui m'a averti du péril qui me guettait. Pourtant, s'il a compris que le fusil était dangereux pour moi, et a décidé de m'alerter, cela dénote plus que des sensations, non ? Effectivement. Cependant, pour l'instant, rien ne me permet de le localiser. Lieutenant, un nouveau message. Le mulot castor interrompit aussitôt sa conversation et, se redressant, attrapa la bande qui lui était présentée. Un sourire de satisfaction découvrit son unique incisive, tandis qu'elle annonçait triomphalement : Nous savons où se trouve le repère secret de la Ritilco. Et il indiqua le cap à suivre en égrenant une série de chiffres. La plateforme entama un virage sur sa gauche et partit en accélérant vers le lieu probable où se cachait le mystérieux gouverneur de Haut-Bioche. Le sergent Tordman et ses hommes contrôlèrent une nouvelle fois leur armement, tandis que l'octopode, Mazas et son frère se contentaient de s'assurer que toutes les armes à leur ceinture étaient d'accès immédiat. Et voilà pour la 7e partie de Les Arènes d'Aubioche d'André Bory. Suite le mois prochain. Les interprètes, Aldor, Alexandre, Atumi, Bernard, Christian Martin, Christophe, Christophe Hubert, Ezwa, Fred, Kael, K00, Mario Fecto, Mika, Pierre et Torek. Vous pouvez retrouver ce roman d'André Bory sous sa forme livre audio à mazas3lavenir.canalblog.com. En passant, la 8e aventure de Mazas, La chasse aux immortels, est sortie depuis peu dans le cadre des HS de Basis. Pendant ce temps, avec la permission de l'éditeur allemand, André se penche sur le reboot de la série officielle de Perry Rodden, appelée Neo, en Allemagne. Audiocité, c'est une famille. Une très grande famille. Avec des lectrices. Avec des lecteurs. Avec des auditrices. Avec des auditeurs. Ainsi que des auteurs de la francophonie. Rejoignez notre famille. Audiocité.net. Dans le cadre des nouveautés audio hebdomadaires des éditions de l'avenir, tout le mois fut consacré à la mise en ligne des divers chapitres de la 4e aventure de Mazas, Les Conjurés de l'Aspar. Il s'agit d'un roman de SF d'André Bory se déroulant dans l'univers de la série Perry Rodden. Comme pour la 2e aventure que je vous présente dans le cadre de cette émission, notre version audio de Les Conjurés de l'Aspar contre plusieurs interprètes, des effets sonores et de la musique ambiante. Le chapitre 6 fut mis en ligne jeudi dernier. Pendant ce temps, je travaille assidûment sur le montage de la 5e aventure intitulée « Le danger surgit du passé ». Si tout se déroule comme prévu, je devrais être en mesure d'entreprendre la mise en ligne de ce tome 5 des aventures de Mazas à la suite du dernier chapitre du tome 4. Enfin, presque. Pour le moment, je prévois diffuser le 12e épisode du PC Show avec Paul Courtemèche entre les deux tomes de Mazas. Projet de Garpo. Ça n'a toujours pas bougé. Je le rappelle, si vous voulez prêter votre voix au projet, n'hésitez pas. Contactez-moi à terran932@yahoo.com. Il y a quelques semaines, Greg Silverson m'invitait à participer à une entrevue qu'il réalisait avec un groupe de créateurs amateurs au sujet du droit d'auteur. Pour toutes sortes de raisons, dont maladie grave dans la famille, j'ai passé mon tour. Qu'à cela ne tienne, Greg a tout de même réalisé son projet et vous pouvez entendre cette entrevue à www.blogrepaulie.net, blogrepaulie.net, /2013/04/ interview-les-créateurs-amateurs-et-le.html et au www.savoircomme1.info /2013/04/23/interview-les-créateurs-amateurs-et-le-droit-d'auteur. Petite note personnelle, mon petit roman pour enfants intitulé « Grand-père » a été publié en avril en édition numérique. Il est désormais disponible sur Amazon, tant en Amérique qu'en Europe, pour plus ou moins $1 et moins €1. Vous ne manquerez pas de le trouver en cherchant « Grand-père » et « Christian Martin ». Je rappelle en terminant que l'émission que vous écoutez est disponible sur la page qui lui est consacrée sur Canal Blog, l'avenirpodcast.canalblog.com, ainsi que sur SoundsMap, sounds-map.com/fr/édition au pluriel et sans accent, -la-venir. Aussi sur Podcast France et en transition sur Podomatic, l'espace étant compté, à l'avenir-en-un-mot.podomatic.com. Notre web radio est disponible sur les diverses pages du blog des éditions de l'Avenir, sur sa propre page à l'avenirradio-v2.playtheradio.com, ainsi que via VTuner. Vous pouvez nous retrouver également sur Twitter à twitter.com/l'avenir-audio, ainsi que sur Google Plus sous Christian Martin. Nous sommes également sur Pinterest à pinterest.com/l'avenir-audio. Et voilà, ainsi se termine cette 7e émission de la 2e série. Rappelons enfin que vous retrouverez toutes nos productions audio à l'avenir-audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.